الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي الفضل الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريد البعيد علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجن والكل أقرب إليه من حبل الوريد خلق الخلق وجعلهم قسمين ورتب لهم من الجزاء دارين فريق في الجنة وفريق في السعير إن ربك يحكم ما يريد وما ربك بظلام للعبيد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, celui qui commence la création et qui la recommence, celui qui n'a besoin de personne et c'est lui le digne de louange. Le détenteur de la grande faveur et du châtiment terrible. Il sait ce que cachent les personnes. Et il sait et il connaît ce qui est apparent. Et tout cela est plus proche que lui, que ne l'est la veine jugulaire de l'homme. Il a créé la créature. Et il l'a partagé en deux parties et en deux clans. Et il a destiné à ces deux parties deux destinées et deux récompenses. Un groupe sera au paradis et un autre sera en enfer. Et certes, ton Seigneur juge ce qu'il veut. Et certes, ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager. صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que notre prophète Muhammad a son serviteur et son messager. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Amma ba'du fa hayya Allah hadhihi al-wujuh at-tayyibah وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور. Ensuite, certes qu'Allah fasse revivre et fasse vivre ces visages resplendissants et qu'Allah fasse ouvrir ses poitrines et qu'Allah fasse purifier ses âmes. والله تبارك وتعالى المسؤول كما جمعنا هذه الأمسية الطيبة على طاعته وذكره وعبادته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه. Et nous demandons à Allah تبارك وتعالى comme il nous a rassemblé cette soirée bénie afin de l'adorer, de l'implorer, de l'invoquer, qu'il nous rassemble dans l'au-delà en présence du meilleur des prêcheurs dans son paradis et dans la demeure de sa miséricorde. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. Ayyuha al-Muslimoun, ô vous les musulmans, ceci est notre 23e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, Marahil al-Dar al-Akhirah, étape vers la demeure dernière. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, évoqué et énuméré et expliqué et commenté un certain nombre de petits signes de la fin du monde. Alamatus sa'ati sughra. Et vu le nombre de ces petits signes, et étant donné la longueur des propos, nous sommes obligés de consacrer un nouveau discours afin de continuer nos paroles sur les petits signes de la fin du monde, sur alamat sa'at sughra. Fa as'alullah tabaraka wa ta'ala al-ikhlas wa as-sawab fi al-qawl wa al-amal innahu waliyyu dhalika wa mawlah. Et ainsi je demande à Allah jalla wa ala, pour moi ainsi que pour vous, de nous accorder la sincérité et de nous guider vers la vérité. Lui seul en a la capacité et le pouvoir. أيها الأحبة في الله من علامات الساعة الصغرى أيضا. Parmi les petits signes de la fin du monde également, تقارب الزمن, le rapprochement du temps et le fait que le temps soit de plus en plus court et de plus en plus rapide. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam Ahmed ou l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentifiée par Sheikh Al-Albani, selon Anas ibn Malik radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La taqoumu as-sa'atu hatta taqaruba az-zaman. L'heure ne se lèvera pas qu'avant que le temps ne se rapproche. Avant que le temps ne se rapproche. Et avant que le temps ne soit de plus en plus court, à un tel point que l'année devienne semblable à un mois, et que le mois devienne semblable à une semaine, et que la semaine devienne semblable à une journée, et que la journée devienne semblable à une heure, et que l'heure soit comparable au temps d'allumer un feu. La taqoumu as-sa'atu hatta taqaruba az-zaman. L'heure ne se lèvera pas avant que le temps ne se rapproche, et que le temps ne devienne de plus en plus court, et que le temps ne se raccourcisse, et qu'il nous paraisse aussi de plus en plus rapide. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram, Allah jalla wa ala va enlever la bénédiction de ce temps et de notre vie, jusqu'à ce que l'année devienne semblable à un mois, et que le mois soit plus rapide, et soit aussi rapide que la semaine, et que la semaine s'écoule de plus en plus vite qu'elle nous paraisse comme une journée, et que la journée soit paraissable à une heure, et que l'heure soit comparable au temps d'allumer un feu. Et cela nous l'avons remarqué de nos jours et à notre époque, ayyuha al-ikhwatul kiram. Et ce, lorsque nous regardons, et lorsque nous analysons, et lorsque nous entendons et nous méditons sur la vie et la biographie de nos savants éminents, rahimahumullah, nous savons, ayyuha al-ikhwa, ont vécu comme nous avons vécu, et ils ont vécu autant que nous avons vécu. Mais si nous regardons les librairies islamiques, de quelle manière elles ont été emplies de leurs livres. Ayyuha al-ikhwatul kiram, et wallahi, certains savants, pendant leur vie, ont écrit plus d'un millier de livres. Comme l'imam ibn al-Jawzi, rahimahullah, comme nous l'a dit Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et lorsque l'imam Ahmed est mort, rahimahullah, les gens ont rassemblé et ont regroupé ces livres sur plus de 12 dos de chameau, chaque dos de chameau rempli de livres. Des livres quel imam Ahmed connaissait par cœur. Tels sont les fruits, et tels sont les résultats, et tels sont les effets de la bénédiction dans leur vie. Al-barakatu fil waqt, une bénédiction qui s'est absentée de notre époque. Une bénédiction qui s'est absentée de notre temps. Et à cause de quoi, ayyuha al-ikhwa? À cause de la corruption des cœurs, de la corruption des intentions, de la corruption des actes, de la corruption des comportements, et également à cause de l'éloignement d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre. La taqoumu as-sa'atu hatta taqaruba az-zaman. L'heure ne se lèvera pas avant que le temps ne se rapproche. Et ainsi, nous venons la veille de prier la prière de l'Jumu'ah, et la prochaine prière de l'Jumu'ah s'approche à toute vitesse. Fa subhanallah al-azim. Il n'y a pas si longtemps que nous avons jeûné le mois de Ramadan, et voilà qu'il reste environ 6 mois pour que le prochain mois de Ramadan n'arrive. Et ainsi, les années s'écoulent, et les années se diminuent de notre vie, et les jours partent, et nous nous dirigeons tout droit vers Allah et Azza wa Jal. Et certes, ce sera vers notre Seigneur que nous retournerons, et certes, vers notre Seigneur se fera notre retour, et nous serons rétribués et récompensés de nos œuvres auprès de lui. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Et certes, les injustes verront le revirement qu'ils éprouveront. Demandez à ceux qui ont vécu 60 ou 70 ou 80 années. Demandez-leur comment est-ce qu'ils ont vu les années s'écouler. Demandez-leur comment est-ce qu'ils ont vu les jours courir à grande vitesse. Et nous nous étonnons, encore une fois, de voir des gens de notre communauté oser fêter leur anniversaire. Ils osent fêter une année qui s'est écoulée de leur vie. Comment peut-on fêter, ayyuha al-ikhwatul kiram, une année qui a diminué notre délai dans ce bas monde? Comment peut-on fêter une année qui nous a rapprochés de la mort, une année qui nous a rapprochés de la demeure dernière et de la tombe, une année qui nous rapprochera de notre destin inévitable, soit vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, et soit vers un enfer, wal'iyadu billah. Et ainsi, ayyuha al-ikhwa, nous vous disons que fêter notre anniversaire est une innovation interdite dans la religion, bid'atun munkara, et c'est également une imitation des mécréants, car c'est l'habitude des gens du livre Ahlil Kitab, mais c'est également une absence de raison, et une absence d'esprit, et une absence de réflexion, avant une absence de piété. La taqoum as-sa'atu hatta taqarub az-zaman. L'heure ne se lèvera pas avant que le temps ne se rapproche, à un tel point que l'année s'écoule aussi rapidement que le mois, et que le mois s'écoule aussi rapidement que la semaine, et que la semaine soit semblable à une journée, et que la journée soit semblable à une heure, et que l'heure soit semblable au moment d'allumer un feu. Et selon une autre interprétation des savants également, les savants ont expliqué le rapprochement du temps par le rapprochement des gens, et ils ont dit que vers la fin du monde, les gens se rapprocheront, et ce, car Allah Jalla wa Ala leur accordera et leur assujettira des moyens de transport aérien et terrestre qu'ils font qu'ils se rapprocheront malgré la distance des continents et des océans. Et ceci est une autre interprétation. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, la disparition de la science. La disparition de la science, qabdul ilm, et la propagation de l'ignorance. Et par science, nous voulons parler de la science religieuse, de la science la plus aimée, et de la science la préférée, et de la science la plus noble auprès d'Allah et Azza wa Jal. Et la preuve en est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit: l'heure ne se lèvera que lorsque la science disparaîtra. L'heure ne se lèvera que lorsque la science disparaîtra. Et lorsque les tremblements de terre se propageront. Et lorsque les troubles et les tentations se manifesteront. Et lorsque le meurtre se multipliera. L'heure ne se lèvera que lorsque la science disparaîtra. Et certes, de nos jours, la science commence à diminuer. Et l'ignorance commence à se propager malgré la présence des moyens d'apprentissage, malgré la présence des universités et des écoles, malgré la présence des moyens d'accès à la science commence à diminuer et l'ignorance se propage, car Allah Jalla wa Ala fera disparaître cette science en faisant disparaître les détenteurs de cette science. Allah Tabaraka wa Ta'ala fera périr cette science en faisant périr les savants, ces savants qui ont obéi à leur Seigneur et qui appliquent cette science dans ce bas monde et qui redoutent le plus leur Seigneur. Et la preuve en est ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim selon Ibn Umar radiallahu anhuma, Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah ne fera pas disparaître la science en l'ôtant du cœur des gens, en l'enlevant du cœur des gens, mais Allah fera disparaître la science par la mort des savants. Par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de savants, et que les gens prennent comme guide, et que les gens se tournent vers des personnes ignorantes, à qui ils demanderont des avis sur les règles juridiques, et ces personnes leur donneront des interprétations fausses, et ils s'égareront, et ils égareront. Et ainsi la science commence à diminuer, et l'ignorance commence à se propager, car Allah Jalla wa Ala commence à faire disparaître les savants. Malgré la présence des livres, malgré la présence des cassettes, et malgré la présence d'Internet, la science disparaît, et l'ignorance se propage, car les savants disparaissent. Car ayyuhal ikhwatul kiram, si vous voulez étudier la science, il faut savoir que pour étudier la science, le seul moyen est de l'étudier de la bouche des savants. Alors qui sont les savants, ayyuhal ikhwat? Il faut savoir que les savants, al-ulama, hum warathatul anbiya, ce sont les héritiers des prophètes. Les prophètes, ayyuhal ikhwatul kiram, n'ont hérité ni dinar, ni dirham. Ils n'ont pas hérité d'argent, ni de villa, ni de maison, ni de société. Mais les prophètes héritent la science. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Allah Jalla wa Ala s'est chargé de montrer leur mérite dans son livre sacré. Allah Jalla wa Ala nous dit: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui redoutent le plus Allah sur terre sont les savants. Les savants, hum warathatul anbiya, ce sont eux les héritiers des prophètes. Et les savants sont ceux qui représentent la couronne de la tête de cette communauté. Les savants sont les lumières dans les ténèbres et l'obscurité. Al-ulama, les savants, sont les guides dans l'égarement et à la recherche de la guidée. Al-ulama, les savants, ayyuhal ikhwatul kiram, al-ulama, les savants, sont les héritiers des prophètes et sont ceux qui vivent avec l'islam et pour l'islam. Et ils vivent pour leur communauté et non pour leurs âmes. Les savants, ayyuhal ikhwatul kiram, sont l'équivalent d'une bougie qui font afin d'éclairer à la communauté son trajet vers son Seigneur. Combien de cœurs les savants ont-ils illuminé alors qu'Iblis les avait tués? Combien de personnes les savants ont-ils guidés alors qu'Iblis les avait égarés? Les savants sont ceux qui redonnent la vue aux aveugles et ceux qui redonnent la lumière et la vie au cœur et ceux qui défendent la religion d'Allah Azza wa Jal des détournements de paroles des menteurs et des imposteurs. Et certes, leur science se trouve dans leur cœur, leur poitrine et leur tête, et elle se manifeste dans leurs écrits, dans leurs paroles. Et qu'Allah soit satisfait du poème qui nous dit, du poète qui nous dit: وَقَدْرَ كُلُّ مْرِئٍ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ وَمَا الْفَخْرُ إِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهُمُ عَلَى الْهُدَى لِمَنِ اسْتَهْدَى أَدِلَّاءُ على الهدى لمن استهدى أدلاء على الهدى لمن استهدى أدلاء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Mais malheureusement, Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il nous met en présence de ses savants et lorsqu'il nous accorde ce bienfait d'être en présence de ses savants, et wallah, nous leur donnons pas assez d'importance et nous accordons pas assez d'importance et nous ne les estimons pas à leur juste valeur. De nos jours, ayyuhal ikhwatul kiram, les savants sont insultés, et les savants sont critiqués, et l'on se moque des savants. Na'am, ayyuhal ikhwa. Certains se moquent des savants, en les appelant ahlul imam, les gens qui portent l'imam, et d'autres critiquent les savants, et d'autres accusent les savants des gens arriérés et obscurs, et d'autres se mettent, et se permettent, de mettre en garde les gens contre les savants. Mais certes, Allah Jalla wa Ala ne fera qu'en sorte de rassembler et de faire regrouper les croyants véridiques et sincères autour des savants. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit: يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Ils veulent étouffer la lumière d'Allah par leur bouche. Mais certes, Allah fera parvenir cette lumière, même si les mécréants ne le veulent pas. Et ainsi, ayol ikhwa, nous conseillons aux musulmans en général et aux jeunes en particulier, ayol al-shabab, de vous rassembler autour des savants, de vous regrouper autour des savants. Naam, ayol ikhwa, rassemblez-vous autour des savants et comportez-vous bien autour des savants. Car iwallah, la science ne s'apprend que de la bouche des savants. La science ne s'apprend que de la bouche des savants et non de la bouche des faibles d'esprit et non de la bouche des ignorants et non d'internet. Al-Imam Tabarani nous rapporte un hadith authentifié par Sheikh Al-Albani selon Abi Umamah Al-Jumahi radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les signes de l'heure suprême, le fait de n'apprendre la science que de la part des faibles d'esprit, que chez les faibles de science, que chez les ignorants. Et ceci est un petit signe de la fin du monde. Ainsi, min alamat sa'ati sughra, parmi les petits signes de la fin du monde, la disparition de la science et la propagation de l'ignorance. Wa min alamat sa'ati sughra aydan, et parmi les petits signes de la fin du monde également, az-zalazil, les tremblements de terre et les séismes. Az-zalazil, les tremblements de terre et les séismes, qui ne sont que des signaux d'alerte et qui ne sont que des signaux d'alarme de la part d'Allah Azza wa Jal à toute l'humanité entière, afin de l'alerter et de la prévenir que certes la fin du monde est proche et que certes le jour de la résurrection est proche. Az-zalazil, et certes le séisme d'Algérie et le séisme de Turquie ne sont pas loin de nous. Min alamat as-sa'ati sughra, parmi les petits signes de la fin du monde, comme nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, engloutissement de terre, transformation de créatures et chute de météorites. Comme il a été dit dans un hadith rapporté, par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par Sheikh al-Albani selon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: il y aura dans ma communauté engloutissement de terre, chute de météorites, transformation de créatures, et ce, lorsqu'apparaîtront les chanteuses, les instruments de musique et la consommation de l'alcool. Et certes, tout est arrivé à notre époque, ayyuha l'ikhwa. Le premier signe, l'engloutissement de terre, ce qui correspond au tremblement de terre et au séisme, qui sont déjà arrivés, qui se multiplient de nos jours et qui arrivent d'un moment à l'autre. Également, transformation de créatures. Et la transformation n'est pas forcée de se faire d'une façon physique. Il y aura transformation et il y a eu transformation des humains. Et les humains ont vu leur cœur et leur comportement se transformer en cœur et en comportement d'animaux et de bestiaux. Certains humains ont vu leur cœur et leur comportement se transformer en cœur et en comportement de loup. Car ils n'aiment que le mal et ils ne font que du mal et ils n'appliquent que le mal et ils n'ordonnent que le mal. Et certains ont vu leur comportement et leur cœur se transformer en cœur et en comportement de porc, excusez-moi du terme. Car ils ont perdu toute dignité, et ils ont perdu tout honneur, et ils ont perdu toute pudeur, et ils ont perdu tout respect de leur valeur. Il y a eu transformation de créatures, et il y aura également chute de météorites. Et les savants ont expliqué la chute de météorites, et ils ont dit que cela correspond soit au grêlon qu'Allah Jalla wa Ala envoie avec les pluies, et cela pourrait correspondre également au bombardement de bombes qui ne cesse de tomber sur les têtes de musulmans jour et nuit. Il y aura engloutissement de terre et transformation de créatures et chute de météorites, et ce, lorsqu'apparaîtront les chanteuses. Et wallah, elles sont apparues et elles se sont propagées et elles se sont répandues et elles ont tenté et elles ont troublé et elles ont semé la corruption et le désordre en tentant les croyants par leur charme et par leur tentation et par leur voix. Lorsqu'apparaîtront les chanteuses et les instruments de musique, et ils se sont également propagés, et ils se sont également répandus, et ils ont même représenté une partie de l'économie de beaucoup de pays. Lorsqu'apparaîtront les chanteuses, les instruments de musique et la consommation de l'alcool, et celle-ci ne s'est pas faite discrètement, mais elle est devenue publique, la consommation de l'alcool est devenue publique, voire même des gens se permettent de boire de l'alcool et de consommer des poissons alcoolisés en défiant Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous ces grands péchés et tous ces petits signes de la fin du monde vont être déclarés et sont rendus licites par les gens, par des gens de notre communauté. Et ceci est également un petit signe de la fin du monde. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans un hadith selon Abi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront licite, c'est-à-dire autorisé, qui déclareront licite la fornication azina, le port de la soie pour l'homme, l'usage des instruments de musique et la consommation des boissons alcoolisées. Et ceci est une forme, le fait de déclarer licite les grands péchés, et ceci est un signe de la fin du monde. Et en effet, comment ils le font? La première chose qu'ils font, ayyuha l'ikhwa, est qu'ils transforment le nom de ce grand péché. Ainsi, azina, la fornication, ils ne l'appellent pas sous cette forme, mais ils l'appellent sous la forme de relations amoureuses, ou bien de relations d'amitié simple. Na'am, ayyuha l'ikhwa. Arriba, l'usure, n'est pas appelé sous cette forme, mais ils l'appellent sous la forme d'intérêt bancaire. La musique n'est pas appelée sous cette forme, mais elle est appelée sous forme de moyen de détente et de déstress. Et l'alcool également, comme il a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique, selon Ubadat ibn Samit radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salat wa salam nous dit, une partie de ma communauté, et non des autres communautés, une partie de ma communauté déclarera licite les boissons alcoolisées en leur donnant un autre nom. En leur donnant un autre nom, les boissons spirituelles et les boissons de détente et de l'eau de vie. Naam, ayyuha l'ikhwa. Comme ça, les mécréants et les gens qui sont ennemis de l'islam veulent autoriser et déclarer licite ces grands péchés en changeant et en transformant leur nom. Mais certes, seuls les croyants véridiques ne les appellent que par leur véritable nom. Wa min alamati sa'ati sughra. Et parmi les grands signes et parmi les petits signes de la fin du monde également, l'apparition de l'avarice. Ash-shuh. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abi Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de l'heure suprême, la disparition de la science et l'apparition de l'avarice. Naam, des gens se montrent de nos jours de plus en plus avares. Des gens se montrent de nos jours de plus en plus avares envers l'argent qui en vérité n'appartient qu'à Allah. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Et c'est à Allah qu'appartient l'héritage des cieux et de la terre. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. L'argent n'appartient qu'à Allah. Et l'argent est un prêt qu'Allah nous a donné et que nous devons lui rendre. Et certaines personnes se montrent avares envers l'argent et se permettent même de refuser d'acquitter l'aumône de leur argent. Mais nous leur disons, certes, que quiconque se montre avare, il n'est qu'avare qu'à son détriment. Et il n'est qu'avare qu'avec son âme, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. Et quiconque est avare, il est certes avare avec son âme, car certes Allah est riche, il n'a besoin de personne, et c'est vous qui avez besoin de lui. Et ainsi beaucoup de gens se montrent de plus en plus avare, de plus en plus avare envers cet argent. Et ceci est un signe de la fin du monde, comme nous l'a informé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et il nous a de même dit que l'avarice est une cause de l'accomplissement de grands péchés, comme il a été rapporté dans un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam nous dit, éloignez-vous de l'avarice. Éloignez-vous de l'avarice, car elle a certes détruit ceux qui étaient avant vous. Elle leur a ordonné de devenir avares et ils le sont devenus. Et elle leur a ordonné de rompre les liens de parenté et ils l'ont fait. Et elle leur a ordonné la perversité et ils le sont devenus. Et certes, certains pieux prédécesseurs demandaient refuge et protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre leur propre avarice. Écoutez le récit de celui, ce pieux prédécesseur qui faisait tawaf autour de l'Kaaba et qui ne cessait de répéter cette invocation, Allahumma qini shuha nafsi, ô mon Seigneur, protège-moi et préserve-moi de ma propre avarice. Et alors une autre personne lui dit, ne connais-tu que cette invocation? Il lui dit, non, mais certes j'ai entendu la parole d'Allah Azza wa Jal, wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Et celui et quiconque se protège de sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussiront. Naam ayyuha al-ikhwa, voilà comment les pieux prédécesseurs demandaient à Allah protection contre l'avarice. L'avarice qui s'est apparue, qui est apparue et qui s'est propagée et qui demeure un petit signe parmi les petits signes de la fin du monde. Wa min alamat as-sa'ati as-sughra. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît, et ce petit signe demeure dans une liste de petits signes que nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith immense et étonnant, un hadith rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Sheikh al-Albani selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit: avant le jour du jugement se propageront le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît, apparaîtra la propagation du commerce à un tel point que la femme aidera son mari dans le commerce, la rupture des liens de parenté, le faux témoignage et le fait de vouloir étouffer et taire le témoignage véridique, et l'apparition de la plume. 5 petits signes de la fin du monde. Wa sadaqa rasulullah alayhi salatu wa salam. Et il a été certes véridique le prophète alayhi salatu wa salam, car tous ces signes apparaissent aujourd'hui et de nos jours. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui a inspirée. Parmi les petits signes de la fin du monde, ayyuha al-ikhwatul kiram, le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Le fait de ne saluer que les gens que l'on connaît. Et nous allons nous pencher sur ces signes et nous allons expliquer 3 phénomènes. Le premier phénomène, ayyuha al-ikhwa, concerne une partie de la communauté musulmane qui fait partie de cette communauté et qui possède le même langage que nous, mais qui a totalement refusé le salut de l'islam et a totalement refusé le salut universel et éternel de la communauté musulmane, voire de toutes les communautés. Et ainsi, lorsque tu leur dis, et lorsque tu passes devant eux et que tu leur dis assalamu alaykum, ils te classent parmi les gens de salamu alaykum. Ne lisent-ils pas le Coran? Ne lisent-ils pas la Sunna? Et lorsque tu leur dis assalamu alaykum, ils viennent te répondre par des saluts qui n'ont aucune origine dans l'islam. Et ils prétendent que le salut de l'islam, assalamu alaykum, est une innovation. Lorsque tu leur dis assalamu alaykum, ils te répondent par bonjour, ou bonne matinée, ou bonsoir, ou bonne nuit. Des saluts qui ont comme origine la pratique d'El Majus. Ceux qui ont adoré 2 divinités, la divinité de la lumière et la divinité des ténèbres. Lorsqu'apparaissait le jour, ils disaient bonjour et bonne matinée, et lorsqu'arrivait la nuit, ils disaient bonsoir et bonne nuit. Et ils osent accuser le salut de l'islam comme un salut d'extrémiste, ou comme un salut de rigoriste, ou comme un salut de fanatique. Mais nous leur disons, écoutez le Coran, lisez le Coran, apprenez le Coran et écoutez la Sunna. Et lisez la Sunna. Et si vous désirez être parmi les gens du paradis, ô vous qui prétendez être guidés, alors sachez certes que les gens du paradis, lorsqu'ils se rencontreront, se salueront par ce salut de l'islam. Allah Jalla wa Ala nous dit, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Et leur salutation le jour où ils se rencontreront sera salam. Et Allah nous dit également, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres, يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ. Le Seigneur les guidera par leur foi, grâce à leur foi. تَجَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ. À leurs pieds couleront des ruisseaux. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Dans des jardins des délices. دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Leur invocation dans ces jardins des délices sera gloire à toi mon Seigneur, et leur salutation sera salam, et leur dernière invocation sera que toutes les louanges appartiennent à Allah le Seigneur de l'univers. Et ils osent prétendre que ce salut est une innovation. Pourquoi ont-ils délaissé ainsi ce salut qui est un salut universel et un salut éternel jusque même l'époque des gens du paradis? Le deuxième phénomène que nous voulons insister et expliquer est celui qui concerne une partie de la communauté musulmane qui, eux, admettent et adoptent ce salut de l'islam. Et qui, lorsqu'ils rencontrent des musulmans, disent Assalamu alaikum. Mais le problème, ayyuhal ikhwa, est qu'ils ne le disent qu'à des musulmans qu'ils connaissent. Et lorsqu'ils voient d'autres musulmans qu'ils ne connaissent pas, ils s'abstiennent. Et ils ne les saluent pas. Et ceci ne fait pas partie du comportement de l'islam. Ceci ne fait pas partie du comportement des pieux prédécesseurs. Et le troisième phénomène, ayyuhal ikhwa tul kiram, ma'al asaf. Nous devons encore insister. Et nous nous devons encore de persister sur ce problème, le problème qui a touché et le problème qui concerne beaucoup de jeunes à cette époque. Ceux qui ont été éprouvés par cette négligence et par cette cessation, ceux qui se sont permis de s'enorgueillir envers les créatures d'Allah et ceux qui ont voulu prétendre qu'ils sont des gens qui pratiquent la religion, mais qui ont été éprouvés par l'esprit de parti. Et par l'esprit des clans, et par l'esprit de la division et du sectarisme. Et ainsi, lorsque tu passes devant eux, ils ne te saluent pas. Par quoi? Par orgueil. Et ainsi, le salafi ne passe pas le salam au tabliri, et le tabliri ne passe pas le salam au salafi. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na'am ayyuhal ikhwa. Et ils se prétendent faire partir de ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. Pensez-vous que les pieux prédécesseurs avaient ce comportement? Lorsqu'un musulman passait devant les pieux prédécesseurs, est-ce qu'il ne les saluait pas? Alors, oh vous qui prétendez être parmi les pieux prédécesseurs, suivez-les dans leur comportement, et suivez-les dans leurs pratiques et leurs adorations, et ne restez pas bornés sur leur nom, et ne restez pas bornés à un nom seulement. Na'am, ayyuhal ikhwatul kiram, pourquoi cette rupture entre les liens de fraternité? Pourquoi cette rupture entre les frères de la communauté? Allah Jalla wa Ala nous a donné un seul nom, un nom universel et un nom simple. Allah nous dit dans le Coran, ô vous qui prétendez s'appuyer sur le Coran et la Sunna, Allah nous dit dans le Coran, huwa sammakumul muslimin. C'est lui qui vous a nommé les musulmans, huwa sammakumul muslimin min qabl wa fi hadha liyakun ar-rasul shahidan alaykum. Il vous a nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit un témoin contre vous. Et Allah nous dit également, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Et s'il te tourne le dos, dis alors soyez témoins que nous sommes musulmans. Et il n'y a eu jamais de preuve, et il n'a pas eu de preuve, comme quoi les gens se doivent de s'appeler soit salafi, soit tabliri, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Alors suivons le Coran et la Sunna. Et pourquoi cette division? Et pourquoi cette rupture de la communauté? Allah Jalla wa Ala ne nous a-t-il pas unis? Allah Jalla wa Ala ne nous a-t-il pas unis par un livre unique, le Coran al-Karim? Et par une religion unique à l'islam? Et par un prophète unique, Muhammad alayhi salatu wa salam? Pourquoi cette rupture? Et wallahi, ceci est un abus. Et ceci est un extrait. Ceci est un excès. Et une preuve d'extrémisme dans la religion. Jusqu'à ce qu'un des frères vienne nous voir et vienne nous poser la question. Un frère tellement jeune qui n'avait même pas de barbe et il nous dit, lorsqu'un musulman passe près de moi, est-ce que je dois le saluer? Peut-être qu'il est douteux, peut-être qu'il ne fait pas partie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Ya akhi, as-tu appris ta religion avant de nous poser cette question? Voilà où est et à quel point sont arrivés les jeunes de nos jours. Alors, ayyuhal al-ikhwa, regroupez-vous autour des savants, et certes le fait de ne saluer que des gens précis fait partie des petits signes de la fin du monde. Alors si vous ne voulez pas être la cause d'être des petits signes de la fin du monde, préservez-vous de cela. Wa min alamat as-sa'ati as-sughra également, ayyuhal ikhwa, parmi les petits signes de la fin du monde, la propagation du commerce, comme nous l'a informé le prophète alayhi salatu wa salam, à un tel point que la femme aide son mari dans le commerce, et également la rupture des liens de parenté. Et wallahi, la rupture des liens de parenté est ce qui a semé le désordre dans les couples. Et les parents ont été séparés de leurs enfants, et ceci est également un petit signe de la fin du monde. Également, ayyuhal ikhwa, le faux témoignage. Le faux témoignage. Et wallahi, la vérité n'a été rendue fausse que par le faux témoignage. Et les gens maintenant se permettent d'étouffer et de taire le témoignage véridique. Regardez l'état des tribunaux, et regardez l'état des jugements, et regardez comment les avocats et les juges ont été corrompus. Et Allah Jalla wa Ala a interdit cela. Il nous dit, وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَمَا يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage. Et celui qui le cache, certes son cœur est pécheur. وَمِنْ عَلَمَاتِ السَّاعَةِ السُّغْرَى. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, l'apparition de la plume. Qu'est-ce que l'apparition de la plume? Les savants ont donné deux explications. Ils ont dit que la première est la propagation de l'écriture et la propagation des livres et la facilité de l'impression et de la publication de nombreux livres et de nombreux journaux. Et ceci est un des petits signes de la fin du monde. Et ainsi les plumes se sont multipliées et elles sont de plus en plus nombreuses et sont également de plus en plus nombreux ceux qui utilisent ces plumes. Et il y a ainsi d'un côté les gens qui défendent la religion, les croyants véridiques et sincères qui utilisent ces plumes au service de la religion et au service de la communauté musulmane et qui appellent à Allah Jalla wa Ala avec ces plumes. Mais de l'autre côté, malheureusement, il y a également les hypocrites qui utilisent ces plumes afin et qui utilisent ces plumes comme un poignard empoisonné afin de poignarder le dos de la communauté en publiant des articles et en écrivant des livres afin de se moquer de la communauté musulmane et afin de se moquer de l'islam et se moquer de ceux qui la pratiquent. Et ainsi, ils osent écrire sur la religion musulmane, sur des choses qui n'ont aucune science. Et ils écrivent ainsi sur la femme musulmane, et ils les disent et ils prétendent que la femme musulmane est soumise dans l'islam, etc., etc. Et ils ont malheureusement alourdi les journaux et les articles des journaux et des magazines hebdomadaires par leurs plumes. Et une autre explication, ayyuha al-ikhwatul kiram. Une autre explication, les savants ont dit que certains vont utiliser ces plumes, soi-disant et prétendant vouloir défendre la religion d'Allah et vouloir défendre l'islam en accusant les savants obéissant à leur Seigneur et en accusant les savants appliquant leur science et en accusant les étudiants de sciences religieuses d'être la cause du retardement de la communauté musulmane. Ils prétendent que l'on doit quitter les minbars et délaisser la prière et se tourner vers les sciences modernes comme les mathématiques et la physique. Et ils disent que la science religieuse est la cause du retardement de la communauté. Ayyuha al-ikhwatul kiram. Et wallahi, la communauté n'a connu le sous-développement et a été plongée dans la déchéance que lorsqu'elle a tourné le dos à la communauté, que lorsqu'elle a tourné le dos au livre d'Allah, Azza wa Jal. Elle n'a connu le sous-développement que lorsqu'elle a tourné le dos et qu'elle a rejeté le livre d'Allah, Azza wa Jal, et la sunnah du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Quand est-ce que la communauté a connu son développement? Quand est-ce que la communauté a connu son accroissement et son développement et son apogée? Lorsqu'elle était débordée de savants. Et lorsque les savants passaient leur temps à donner tout genre de science et tout genre de cours dans leur mosquée. Mais lorsqu'elle s'est essoufflée et lorsqu'elle s'est étouffée en voulant suivre et en voulant rattraper les caravanes des autres communautés à l'est ou à l'ouest et en les imitant, là Allah Jalla wa Ala l'a plongée dans le sous-développement et l'a plongée dans le recul. Car il faut savoir quelque chose. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala possède des règles dans sa création. Sunnatullah fil khalq. Des règles qui ne sont pas modifiées et qui ne sont pas changées. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Et tu ne verras aucune modification dans les règles d'Allah. Et tu ne verras aucun changement dans les règles d'Allah. Et ces règles, ayyuha al-ikhwa, est que si la communauté veut reconnaître son accroissement et son développement et veut voir le jour, elle n'a qu'à rejoindre et se retourner vers le livre d'Allah Azza wa Jal et vers la tradition du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Mais si elle se persiste et à imiter les communautés autres que la communauté musulmane et à imiter les mécréants et à rester à suivre les turpitudes et les passions, et wallah, elle restera plongée dans les ténèbres de l'égarement et de l'injustice. As'alullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Je demande à Allah Jalla wa Ala par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il fasse que l'on soit parmi ceux qui appellent Allah avec preuve évidente et qui fassent ce qu'ils peuvent pour appeler Allah Jalla wa Ala. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Lui seul en a la capacité, le pouvoir. Et en tenant ses propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'da. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Min alamat al-sa'at al-sughra, également, ayyuha al-ikhwa, parmi les petits signes de la fin du monde, le fait que les personnes âgées veulent imiter les jeunes. Naam, ceci est un signe parmi les petits signes de la fin du monde. Ils imitent les jeunes dans leur comportement, dans leur apparence, et même dans leurs vêtements, et même dans leur couleur de cheveux. Et la preuve en est, ce qu'a rapporté Al-Imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, il y aura à la fin du temps un peuple qui se teindra les cheveux avec du noir, qui se teindra les cheveux et leurs barbes avec du noir, la couleur de la poitrine de certains pigeons, et ceux-là ne sentiront pas l'odeur du paradis. Ce que nous a dit le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et c'est ainsi un des grands péchés, ceux-là ne sentiront pas l'odeur du paradis. Les personnes âgées, malheureusement, de nos jours, veulent imiter les jeunes afin de fuir la mort et afin de fuir la vieillesse. Alors qu'Allah Jalla wa Ala a destiné à tout fils de Adam ses cheveux de vieillesse. Et certes, ces cheveux de vieillesse, Allah Jalla wa Ala les a faits afin qu'ils soient témoins de lui et comme quoi il aura vieilli dans l'islam et dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Mais certes, celui qui ose teindre ses cheveux et teindre sa barbe avec du noir, et wallah, il aura accompli un grand péché. Et la preuve en est ce qui a été rapporté dans un hadith de Abu Daoud, de chaîne de transmission authentique selon Ka'b ibn Murrah, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, quiconque aura les cheveux de vieillesse dans l'islam, ses cheveux seront pour lui une lumière le jour du jugement. Ceci est une faveur et un mérite de la part d'Allah, azza wa jal. Mais malgré cela, les gens ne se permettent que de fuir la mort et de fuir la demeure dernière et se refuser d'admettre qu'un jour ou l'autre ils quitteront ce bas monde. Min alamati sa'ati sughra également, ayyuhal ikhwa, parmi les petits signes de la fin du monde, les gens qui se vantent de leur mosquée. Des gens qui se vantent de leur mosquée. Comme il a été rapporté par Al-Imam ou Ahmed, de chaîne de transmission authentique selon Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'heure ne se lèvera pas avant que les gens ne se vantent de leur mosquée. Et de nos jours, ayyuha l'ikhwa, les gens se vantent de leur mosquée. Naam, ayyuha l'ikhwa, mais comment ils se vantent de leur mosquée? Ils ne se vantent pas dans leur mosquée dans le bon sens, mais ils se vantent de leur mosquée. Et il est devenu même une mode à cette époque, chez chaque association, de multiplier les mosquées, même dans ce pays. C'est nous qui avons le plus de mosquées. Ils se vantent de leur mosquée, en se vantant de la beauté de leur mosquée et de la superficie de leur mosquée. Mais la véritable beauté, ayyuha l'ikhwa, la véritable beauté des mosquées n'est pas dans la largeur, ni dans la superficie, ni dans les murs, ni dans la façade. Mais wallah, la véritable beauté est dans les fruits et dans les résultats de l'apprentissage et de l'éducation de cette mosquée. Que voulez-vous faire de mosquées vides? Que voulez-vous faire de mosquées où l'on n'accomplit que la prière? Les mosquées ont été édifiées afin d'apprendre et afin d'éduquer et afin d'enseigner la communauté musulmane. Mais malheureusement de nos jours, les gens se consistent seulement à construire les mosquées, à édifier les mosquées, voire même à amasser de l'argent énorme afin de construire des grandes mosquées qui restent vides. Elles ne sont remplies que lors de la prière, mais à part cela, il n'y a aucun cours de religion et aucun cours de langue arabe. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Et comme il a été rapporté dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, selon Abi Darda radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, lorsque vous décorerez vos mosquées et que vous embellisserez vos Corans, la destruction sera sur vous. Vous périrez. Et ceci est une information du prophète alayhi salatu wa salam. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma nous a informé que lors de la fin du monde, et parmi les petits signes de la fin du monde, que les gens se vanteront de leur mosquée comme les chrétiens se vantent de leur église. Et comme les chrétiens décorent leur église. Fallahu al-musta'an. Wa min alamati sa'ati sughra, également parmi les petits signes de la fin du monde, la réalisation du rêve du croyant véridique. La réalisation de la vision du croyant véridique, comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, والإمام مسلم selon أبي هريرة رضي الله عنه le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit lorsque le temps touchera à sa fin peu s'en faudra que la vision du croyant ne soit réalisée et ceux dont leur vision se réalisera le plus souvent sont ceux qui seront le plus véridiques. L'imam Ibn Abi Jamrah rahimahullah nous dit en expliquant ce hadith, il nous dit que ce hadith prouve que la vision véridique à un tel point lorsqu'on se rapprochera de la fin du monde, la vision véridique n'aura pas besoin d'interprétation. Lorsque le temps touchera à sa fin, et surtout celle du croyant véridique, elle n'aura pas besoin d'interprétation. Et il a dit également, pourquoi cela? Car l'islam sera redevenu étrange. Et car le croyant sera dans ce bas monde comme un étranger, comme on l'a informé, comme le prophète alayhi salatu wa sallam nous a informé dans le hadith connu. L'islam a débuté comme une chose étrange et il reviendra comme une chose étrange comme il a débuté. Et ainsi le croyant sera comme un étranger à cause des troubles et des tentations et à cause des communautés égarées. Et ainsi Allah Jalla wa Ala fera en sorte que le croyant véridique verra son rêve et sa vision réalisée afin de l'aider et afin de le soutenir et de l'appuyer dans sa religion tellement il y aura de tentations et tellement il y aura d'épreuves. L'imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a également une autre explication de ce hadith. Et il nous dit que ceci arrivera lorsque les traces et les caractéristiques de la religion s'effaceront et s'oublieront. Et lorsque les troubles et le meurtre se multiplieront. Et le troisième avis des savants, les savants ont dit que ceci arrivera à l'époque de la descente de Isa alayhi salam. Lorsque Isa alayhi salam descendra sur terre, il y aura une génération de gens parmi la meilleure génération de la communauté musulmane, des gens qui seront très véridiques, à la fois dans leur aspect et dans leur pratique et dans leurs adorations. Et ainsi Allah Jalla wa Ala fera en sorte que leur vision et leur rêve se réalisera. Na'am ayyuha al-ikhwatu al-kiram, wa min alamati sa'ati sughra. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, l'augmentation du nombre des femmes et la diminution du nombre des hommes. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'heure ne se lèvera que lorsque la fornication se propagera et que le taux des femmes augmentera et que le taux des hommes diminuera jusqu'à ce qu'il y ait pour 50 femmes un seul homme. » Jusqu'à ce qu'il y ait pour 50 femmes un seul homme. Et nous l'avons certes remarqué, l'augmentation du nombre des femmes et la diminution du nombre des hommes. Mais malgré cela, nous remarquons un problème et une crise dans le mariage et beaucoup de jeunes qui se plaignent du célibat. Pourquoi? Car les gens ont rendu difficile le mariage. Car les gens ont rendu difficile le mariage, et wallah. Wa min alamati sa'ati sughra. Et parmi les petits signes de la fin du monde également, le fait que le plus heureux de ce bas monde soit Luka ibn Luka. Le fait que le plus heureux de ce bas monde soit Luka ibn Luka. Comme il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique. Selon Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit « L'heure ne se lèvera que lorsque la personne la plus heureuse de ce bas monde soit Luka ibn Luka. » Et c'est-à-dire, cette personne est en fait celui qui n'a aucune origine et aucune descendance et que des mauvais comportements, comme les gens qui sont issus de la fornication, comme les gens qui n'ont aucune origine et ils ne savent même pas d'où ils viennent, et viendra un jour où ces personnes seront les plus heureux de ce monde. Pourquoi? À cause de la propagation de la corruption et du désordre sur terre. Et ce qui a été dit ressemble à ce qui a été dit dans le hadith connu de Jibril alayhi salam, lorsqu'il questionna le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, et il dit « Akhbirni an amaratiha » et informe-moi quant au signe de l'heure. Et le messager d'Allah alayhi salatu wa salam lui dit, lorsque la femme donnera naissance à sa maîtresse, et lorsque tu verras les va-nu-pieds et les deguenillés et les éleveurs de bêtes rivaliser dans la construction et dans l'élévation des constructions. Yatatawaluna fil bunyan. Et ainsi le fait que ces gens-là rivalisent dans l'élévation des constructions, alors qu'ils n'étaient à l'origine que des éleveurs de bêtes, ils rivalisent dans leur construction et ils se vantent de leur construction et de leur château et de leur villa. Un signe parmi les petits signes de la fin du monde.